Original certifié. Dans un monde de miroirs et de reflets, je suis la lumière, indéniablement vraie. Sincère comme le souffle du vent, mon cœur est tangible, un roc constant. Et chaque jour, je choisis la voie de la vérité, avec des mots sincères, des actions avérées. Je suis fidèle à moi-même, sans compromis, authentique et réel, c'est ainsi que je vis. C'est l'authenticité, la force d'être soi-même, vrai comme la terre, réel comme un emblème. Indubitablement et juste, établi et textuel, être soi, c'est la clé, c'est notre essentiel. Avec la force d'un chêne, la grandeur d'une montagne, je marche avec autorité, prépondérance et campagne. Mon énergie est un fleuve, mon influence une marée. Je suis souverain de ma vie, je suis mon propre reflet. De chaque parole, je suis sincère. Avec une âme pure, une volonté de faire, je suis une étoile dans la nuit, une lumière qui guide. Authentique et vrai, je suis mon propre guide. Dans l'authenticité, la force d'être soi-même, vrai comme la terre, réel comme un emblème, indubitable et juste, établi et textuel, être soi, c'est la clé, c'est notre essentiel. Avec l'intellect d'un sage, l'âme d'un poète, je suis une étoile, une lumière qui reflète. Mon imagination est un feu, mon jugement un cristal. Je suis fidèle à moi-même, je suis loyal et vital. Et chaque pensée, chaque rêve est une part de moi. Avec une vision claire, je trace ma voie. Je suis un esprit libre, une âme en quête. Authentique et vrai, je suis ma propre conquête. C'est l'authenticité, la force d'être soi-même, vrai comme la terre, réel comme un emblème. Indubitable et juste, établi et textuel. Être soi, c'est la clé, c'est notre essentiel. Dans ce monde de masques, je reste fidèle à mon essence, à ma vérité éternelle. Authentique et vrai, je suis une lumière, un phare dans la nuit, une présence sincère. Original certifié Gizmo Life 7, le parolier. We'll be right back.